Cours numéro 5. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Akhadna fi darsina al-akhir. La première sifa que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah il a cité fi kitabihi صفة الاستواء وكذلك صفة العلو à deux attributs, الاستواء والعلو. من يذكر دليلا على صفة الاستواء تفضل أخي. أحسنت. الرحمن على العرش استوى. Ça c'est un دليل أن الرحمن عز وجل الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. الرحمن على العرش استوى. Et beaucoup de versets, أن الله عز وجل قال ثم استوى على العرش. Et un دليل على صفة العلو. من يذكر تفضل. نعم. نعم. حديث معاوية ابن الحكم رضي الله عنه في صحيح مسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم il a demandé à الجارية أين الله et elle a répondu في السماء. في السماء أي في العلو comme on détaillera إن شاء الله dans d'autres livres. في السماء أي على السماء في يأتي بمعنى على في السماء أي على السماء au-dessus des cieux. أو العلماء يذكر كذلك لمو السماء اللي يكسبلك نعم بالعلو في السماء أي في العلو. على كل حال نبقى comprendre أن الله سبحانه وتعالى اللي في السماء أي à l'intérieur des cieux. لا لأن les cieux ils sont créés. الله سبحانه وتعالى il est au-dessus de sa créature. Et avec قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى فتو comprends هذا المعنى لأن العرش il est au-dessus des cieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus du arsh. فَقَوْلُهُ فِي السَّمَاءِ أَيْ فِي الْعُلُوْ أو على السماء, il est au-dessus des cieux, subhanahu wa ta'ala. Et on détaillera هذا أكثر بإذن الله عز وجل dans الواسطية. والاستواء, ça veut dire quoi الاستواء بمعنى ماذا؟ تفضل. الاستواء بمعنى السعود. وكذلك السعود والارتفاع والعلو. نعم. الاستواء أي الله إليه au-dessus de son trône. C'est bien معنى العلو. لكن الاستواء إليه خاص بالعرش. On dit pas مثلا الله سبحانه وتعالى استوى على الأرض أو استوى على السماء. لا, استوى على العرش. C'est un فعل qui est خاص pour العرش. C'est pour ça qu'Allah il a dit استوى على العرش. أما العلو الله إليه au-dessus du عرش et de toutes les créatures سبحانه وتعالى. بقي المسألة qu'on a pas cité dans le درس précédent et qu'on cite ensemble. وهي حكم من قال أن الله في كل مكان. C'est quoi le jugement de celui qui prétend qu'il croit أن الله عز وجل il est partout. تقدم معنا des preuves claires et إجماع الأئمة إجماع السلف l'unanimité des سلف l'unanimité des savants de la sunnah أن الله عز وجل il est au-dessus de sa créature au-dessus des cieux. لكن certains égarés يقولون أن الله il est partout. فما حكم من قال هذا. Et c'est quoi الحكم. Est-ce que c'est un musulman. Est-ce que c'est un kafir. Celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala il est partout. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله. Ils lui ont posé la question et il a répondu من قال أن الله في كل مكان أو إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص. C'est du kufr. C'est de la grande mécréance. هذا القول. هذا الاعتقاد. Cette croyance, cette parole. لماذا؟ لأن ça contredit les preuves claires du Coran et de la Sunna. Et on a cité beaucoup de preuves في هذا. Alors on avait démontré qu'il y avait beaucoup de preuves, même si on les a pas toutes citées. Et on avait cité les références pour celui qui voulait approfondir et avoir ces preuves. فعلى كل حال, le fait de dire qu'Allah il est في كل مكان, c'est très très grave. C'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam. عياذا بالله. لماذا؟ لأن الله عز وجل il a démontré clairement في القرآن qu'il est au-dessus de sa créature. وهو القاهر فوق عباده. قال عز وجل فوق العباد, فوق عباد, il est au-dessus de ses serviteurs, il est au-dessus de sa créature. فالسلوي كي دي الله il est partout في الحقيقة يكونتخدي سفرس. أأمنتم من في السماء الرحمن على العرش استوى وهو العلي العظيم. Et chaque muslim dans sa salat, quand il est sajid, ماذا يقول؟ Chaque muslim il dit سبحان ربي الأعلى. فالأعلى c'est من أسماء الله, et العلي c'est من أسماء الله. Ces deux noms ils renferment l'attribut de l'ulu, أن الله il est au-dessus. C'est pour ça que cette position, c'est une position عظيمة لمن تأمل. أن tu es prosterné, le front en contact du sol. Et ça, ça montre l'istislam ou al-tadallul lillahi subhanahu wa ta'ala. Le musulman, il se rabaisse, il se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta, il se met dans cette position, la prosternation. Son visage, son front, il est en contact du sol. Et il dit, subhana rabbiya al-a'la. Et ce mot, ou ce nom, c'est un nom azim. Surtout quand on le dit en position de sujoud. Et on se rabaisse, et nous, on est en contact du sol. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'a'la. Il est au-dessus de toutes ces créatures, subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui contredit tout ça, yadam billah, c'est très très grave. هذه الفتوى من مجموع الفتاوى والرسائل للشيخ ابن عثيمين. لكن الشيخ ابن عثيمين il a fait un tambih muhim dans certains de ses dourous, comme a fait Sharh. القاعدة المطلق, on a déjà précisé هذا, أن il y a une différence entre التكفير المطلق وتكفير المعين. أي certains مسلم الآن من العوام يقولون هذا, ils ont cette croyance, ils pensent que Allah il est partout. فمثل هؤلاء, on se précipite pas à dire que c'est des kuffar. لا, لماذا؟ لأنهم ils ont des شبه, c'est des عوام, ils ont pas de علم. Leurs parents ils l'ont appris que Allah il était partout, ou dans leur masjid, ou à l'école, et ils ont cette aqida qui est fondée sur l'ignorance. Et كثير منهم ils comprennent pas les preuves, ou ils n'ont pas pris de temps pour comprendre ces preuves. فمثل هؤلاء on leur montre. Il y a aucune haja et on doit leur montrer. Et ça, ça nous montre l'importance d'apprendre cette aqida, l'importance de connaître les preuves, et tu leur montres à ce âme. Et vu que la raison est al-fitra, ils acceptent أن الله سبحانه وتعالى il est في السماء, tu verras que c'est très très simple à le convaincre. Comme من العوام, ils pensaient qu'Allah il était partout, et avec quelques preuves, كلام أهل العلم قبل ذلك, des hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, ils comprennent très vite. Et ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés. فتأمل مثلا cette parole de l'imam ابن القيم رحمه الله كما في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى قال فحصروه في الآبار والسجون والأنجاس والأخباث وعوضوه بهذه الأمكنة عن عرشه المجيد. فسن الرد على الجهمية الحلولية qui prétendent que Allah il est partout. Et eux, ils n'ont pas voulu dire que Allah il est fils sama. لماذا لأن si tu dis qu'il est fils sama, c'est une direction, c'est un endroit, il a akhir. Et ils se sont égarés. Ils ont voulu s'écarter de soi-disant ces mauvaises choses. Et en fait, ils sont tombés dans des choses beaucoup plus graves. فلهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله فحصروه في الآبار والسجون والأنجاس والأخبث. En fait, cette croyance de dire qu'Allah il est partout, c'est grave. Ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala il est في الآبار, il est dans les puits. في السجون, il est dans les prisons. في الأخبث, il est dans les mauvaises choses. في الأنجاس, il est dans les choses impures. Dans les toilettes, iyadam billah, celui qui dit qu'Allah il est partout. Ça veut dire que même les mauvaises choses, Allah il est dans ces mauvaises choses, iyadam billah. Enfin, c'est très très grave, hadha al-qawl. Enfin, si tu expliques un ami avec des adillah min al-Qur'an, min al-Sunnah, et tu lui montres la gravité de son qawl, le fait de dire qu'Allah il est partout, c'est très très grave, et tu lui montres qu'Allah il est akbar. Allah subhanahu wa ta'ala il est plus grand que sa créature, c'est l'Ali, c'est l'Azim. Enfin, qu'il va être dans sa créature, iyadam billah. Et tu lui montres كذلك un point important qu'on n'a pas détaillé et qu'on détaillera ensemble بإذن الله عز وجل dans d'autres durus, أن المعية وهو معكم أينما كنتم. لأن البعض ils ont une شبهة أن الله il est معنا. Et c'est vrai, Allah il est معنا, c'est écrit dans le Coran. لكن كما تقدم معنا الإجماع, l'unanimité des savants, أنه il est معنا, il est avec nous بعلمه, avec sa science. Il nous voit, il nous entend, il sait tout. Wa huwa as-sami'u al-basir. Tu lui montres anna hadhihi al-ma'iyya, le fait que Allah il est avec nous et avec son ilm. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de sa créature. Tu lui montres avec un kalam très très simple, et كذلك tu lui montres la gravité de son qawl. Et inshallah il y aura du khayr. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah, falyata'ammal al-aqil al-la'ib al-shaytan bi'uqul هذا الخلق وضحكه عليه واستهزاءه به من دها. فليتأمل. On doit tous méditer comment Shaitan il joue avec Haoula, comment il a égaré Haoula, comment il se moque de Haoula. Hatta ils ont fondé une croyance et en Allah il est partout. C'est très très grave. Prétendre que Allah il est partout, ça veut dire qu'il est même dans les mauvais endroits, ça veut dire qu'il est dans sa créature, il a affaire. C'est très très grave. Donc nous on doit aider Haoula. Déjà que Shaitan il les égare et il leur fait beaucoup de mal, ben nous on ne doit pas aider Shaitan pour faire du mal encore à Haoula. Khassatan al-Muslimun al-Awam minhum. On leur montre. Billati hiya ahsan. Avec des adillah min al-Qur'an, min al-Sunnah. Avec des paroles d'imams qu'ils respectent. Mathalan, on avait cité l'ijma' d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Il est ma'rouf inda al-Malikiya. C'est min a'immat al-Madhhab al-Maliki. Ceux qui respectent l'imam Malik et ce Madhhab, tu lui montres un des imams. Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, rahimahullah, il était surnommé Malik al-Saghir. C'était le petit imam Malik, tellement qu'il avait atteint un haut niveau fil ilm. Tu lui montres kadalik les paroles de l'imam Malik, ou si suit madhhab al-imam Shafi'i, des paroles de a'immat al-Shafi'i, wa hakadha. Hatta on arrive à montrer le haq à haoula. Limadha li'anna on leur veut du bien, c'est des muslimouns. Et on a de la rahma pour eux. Limadha li'anna on a peur qu'ils meurent ala hadha al-mu'taqad al-fasid. Hadha c'était un point important pour conclure le dars précédent. Et comme taqaddam ma'ana, beaucoup de choses à détailler, fil haqiqa, beaucoup de choses à citer, laquelle on ne se précipite pas. Et le but de cette première risala, dans Sidouruz fi al-Aqida, dans la croyance, le but de ce premier livre, c'est de résumer. Un aperçu, faqat. Qala al-imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah, wa min as-sifat allati nataqa biha al-Qur'an, وصحت بها الأخبار الوجه. Deuxième sifa, après sifat, ou plutôt la troisième, après sifat l'istiwa ou l'ulu, sifat l'wajh. Ay, l'attribut du visage. فالله سبحانه وتعالى, il a un visage. قال الإمام المقدسي رحمه الله, قال الله عز وجل, كل شيء هالك إلا وجهه. Ça c'est un dalil, la preuve min al-Qur'an an Allah il a un wajh. Kullu shay'in halikun illa wajha. Le verset il est clair. Wa qala 'azza wa jal wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Deuxième verset, qawluhu wa yabqa wajhu rabbik, ay le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rawa Abu Musa radiyallahu anhu 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala جنات الفردوس أربع تنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. الشاهد, أي, pourquoi il a cité ce hadith ici? لأن il y a la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إلا رداء الكبرياء على وجهه. Ça, c'est un nus, un délil, une preuve claire, أن الله سبحانه وتعالى il a un وجه, un visage سبحانه وتعالى. قال وروى أبو موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث بخسدان عن قال في الحاشية رواه البخاري ومسلم وعندهما جنتان من ذهب أنيتهما وما فيها إلى آخره. فاللفظ كلا سيتي الإمام عبد الغني المقدسي سي لفظ الإمام أحمد et d'autres, et المحقق كلا سيتي la version de الإمام البخاري ومسلم, أي certains mots qui changent. وإلا ف الصفات الوجه elle est ثابته. Et le hadith il est fi as-sahihayn avec le lafz ay avec les mots qu'il a cités dans le hashiya. قال وروى ابو موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع اي باربع كلمات اي النبي صلى الله عليه وسلم il aura cité quatre كلمات quatre phrases. فقال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام. الله سبحانه وتعالى يدخب. لماذا؟ لان الله عز وجل سي الحي سي القيوم سي العليم سي الخبير. Le fait de dormir c'est une faiblesse. Le fait de dormir c'est un ضعف في الانسان dans les créatures. C'est pour ça que nous arrivons à un moment on a besoin, on est obligé de dormir. الا on tombe malade الى اخره. Am Allah Azza wa Jal, il est parfait, il n'a pas besoin de dormir. L'imada l'yanna, dormir c'est pour se reposer. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin de se reposer, il est capable de tout. C'est le qawi Azza wa Jal. Qala yakhfidhu al-qista wa yarfa'uhu yurfa'u ilayhi amalul layl qabla al-nahar wa amalul nahar qabla al-layl hijabuhu al-nar. Et dans une riwaya de l'imam muslim, hijabuhu al-nur. Enfin, dans une version du hadith, hijabuhu al-nar, et le feu, son hijab, le voile, c'est du feu. Et dans un autre hadith, hijabuhu al-nur, la lumière. Qala law kashafaha la ahraqat subuhat wajhihi kulla shay'in adrakahu basaruhu thumma qara'a amburika man finnari wa man hawlaha. رواه مسلم. أما في الحديث de صحيح مسلم le verset il est pas cité. Le verset c'est un ajout de l'imam al-Maqdisi رحمه الله. الشاهد donc pourquoi il a cité ce hadith هنا رحمه الله قوله لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه. Ça montre qu'Allah il a un visage. قال فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين تقدم معنا. C'est deux points importants. أن toutes les صفات n'importe quelle صفات tu dois avoir un délil من القرآن أو من السنة. Et des fois tu as les deux du Coran et de la Sunna. هذا الباب العظيم صفة الوجه. المؤلف رحمه الله il a cité des preuves من القرآن الكريم, il a cité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فهذه صفة ثابتة بنص الكتاب وخبر الصادق الأمين فيجب الإقرار بها والتسليم كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. Vu qu'on a un délil من القرآن ومن السنة بل plusieurs preuves أن الله عز وجل il a un وجه un visage سبحانه فيجب الإقرار بها. On n'a pas le droit de dire il n'a pas de visage, il n'a pas de وجه. بأي حق؟ مع أن الله عز وجل clairement في القرآن الكريم قال كل شيء هالك إلا وجهه. وما تدخل معطل من المعتزلة أو من الجهمية يقول الله لا بد وجه. فلهذا c'est important ce point. فيجب الإقرار بها. Si on a un texte في القرآن وفي السنة qui montre que الله لا tel attribut, on est obligé de dire « Sami'na wa ata'na ». Na'am, Allah il a cet attribut. « Wa taslimu ka sa'ira sifat al-thabita ». On doit se soumettre et on doit faire attention à la raison. Pourquoi certains ils ont prétendu qu'Allah il n'avait pas un visage? Les malades, toujours ça revient à la même chose. Les annaïs disent « L'être humain il a un visage. Telle créature elle a un visage. » Okay, vous dites que Allah il a un visage. Ça c'est très très grave. Amma ils auraient appliqué هذه النصيحة الطيبة فيجب الإقرار بها. أولا tu as un délil donc tu es obligé de te soumettre. ثانيا Allah subhanahu wa ta'ala أعلم بنفسه. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il avait un visage et Allah il est أعلم بنفسه. Allah il sait tout. Amma نحن on est très faible في العلم. ثالثا on s'écarte du tamthil. قال عز وجل ليس كمثله شيء. Il n'y a rien qui lui ressemble. Allah il a un visage et Allah il a créé l'être humain avec un visage et ça ne veut pas dire que ça se ressemble. أبداً بل ça se ressemble pas. Allah il a dit ليس كمثله شيء. في المخلوقات كما بينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله fi at-tadmuriyya, et il a insisté, et on peut le résumer ici pour que vous compreniez akthar, les créatures, fal haqiqa, c'est pas la même chose. Est-ce que le visage d'un être humain, c'est comme le visage, ou plutôt la face d'un animal? C'est pas la même chose. Tu trouves des créatures, des poissons, des animaux, ils ont une face, un visage. C'est pas comme un autre animal ou c'est pas comme l'être humain. Enfin, entre créatures, c'est pas la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq ou lahu al-mathal ou al-a'la. Fallait mal faire cette comparaison. Ben, tu peux prendre une autre sifa ou c'est plus clair. Mathalan, la force. Al-quwa, c'est une sifa. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le qawi, il a une sifa al-quwa. Et nous, on dit Allah, il a sifa al-quwa et il a force. Est-ce qu'on va dire là, vu que nous, kadhalik, on a de la force en tant qu'être humain? Tu peux porter telle charge, tu peux faire telle chose. Est-ce qu'on va dire là, on dit qu'Allah il n'a pas de quwwa parce qu'on a de la force? Entre créatures, c'est pas la même force. Est-ce que la force d'un lion, c'est comme la force d'un être humain? Est-ce que la force d'un être humain, c'est comme la force d'une fourmi? Est-ce que la force d'une fourmi, c'est comme la force d'un chameau? Enfin, pourquoi faire cette ressemblance? Pourquoi faire ce sentir qui pousse à l'égarement? Bel, Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, fi Tadmuriyya, il a démontré un mithal azim, qu'on a déjà cité et qu'on verra ensemble, inshallah, si on fait taqrib Tadmuriyya. Anna Allah subhanahu wa ta'ala, fil jannah, il a créé des raisins, des fruits, du lait, du miel. Il a akhiri, on a des preuves, anna fil jannah, il y a du miel, il y a du lait, il y a de l'eau, il y a des fruits, il y a de la viande, il a akhiri. Et fit dunya, on a du lait, on a du miel, on a des fruits, et la akhira. Est-ce que c'est la même chose? Abadan. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الجنة il y a des choses que tu n'as pas vues, tu n'as jamais entendu, tu ne peux pas imaginer. Pourtant, on a été informé في القرآن وفي السنة qu'il y a du miel, مثلا في الجنة, qu'il y a des fruits, رمان وعنب إلى آخره, des pommes, des raisins, il a agré. Est-ce que c'est la même chose? Là, tu ne peux pas t'imaginer. Donc, le ism, c'est le même. Raisin, raisin, miel, miel. Est-ce que tu peux comparer? Abadan. C'est pour ça que le vin, mathalan, c'est haram. Fi ad-dunya, fi al-janna, c'est halal, c'est pas le même. Enfin, pourquoi, entre créatures, on accepte hada? Et pourquoi Ha'oula, ils insistent à penser que si tu dis qu'Allah il a un wajh, ou il a des mains, azzawajal, ou il descend, ou autre attribut qu'on verra ensemble, ils pensent que c'est du temtil, que c'est pareil, donc ils disent là, on ne peut pas dire qu'Allah il a tel sifa. Fantabihu. At-taslim, c'est très très important fi hadha al-bab. Fali hadha qala rahimahullah, fa yajibu al-iqrar biha. Al-iqrar, c'est accepter, al-iman. Allah il a dit là un wajh, tu dis là un wajh. Wat taslim, et tu te soumets. Et si ton nefs ou ta raison ou shaitan, il essaye de te faire croire, mais pourquoi tu dis qu'Allah il a un wajh? Ça veut dire qu'il ressemble aux créatures. Ihdar, repousse hada. Et sta'idh billah min ash-shaitan ar-rajim, et tastaslim. Allah il a dit là un wajh, je dis il a un wajh. Allah subhanahu wa ta'ala قال كذلك ليس كمثله شيء. Il y a rien qui lui ressemble. Falhamdulillah. Allah il a un visage, il ne ressemble pas à celui des créatures, et tu t'arrêtes là. قال كسائر الصفات الثابتة بواضح الدلالات. On a déjà expliqué, on a accepté ça في صفات الحياة. Allah il est vivant, c'est le hay, donc il a l'attribut de la vie. En tant qu'être humain, كذلك, on est vivant. Est-ce que c'est la même chose? Abadan. La vie d'Allah elle est parfaite, il est akhir. Donc on a accepté ça avec certaines صفات. Enfin, pourquoi avec certaines, on n'accepterait pas? On peut citer un exemple de tahrif que un groupe ils ont fait, Al-Ash'ira. Tu as un groupe, ils ont dit na'am. Allah subhanahu wa ta'ala qala fil Qur'an kullu shay'in halikun illa wajha wa yabqa wajhu rabbik. Donc ils ont dit na'am, Allah il a cité le wajh. Donc Allah il a un wajh. Fahum yaqulun la. Allah il a dit wajh fil Qur'an, mais en fait ça veut dire la récompense, al-thawab, ou ça veut dire al-mulk. Si on prend leur tafsir al-mulk, Al-Mulk, c'est le royaume d'Allah, Azza wa Jalla. Et ses créatures, Allah, il possède tous les cieux, la terre et la akhira. Si on prend leur qawl, Al-Mulk, فالحقيقه c'est باطل لماذا لان الله عز وجل قال كل شيء هالك الا وجهه اي tout va périr sauf le visage d'Allah عز وجل تمام si on remplace comme ils ont fait hum al-wajh par al-mulk c'est les cieux la terre il a akhir tout ça ça appartient c'est le royaume d'Allah عز وجل si tu remplaces al-wajh par Al-Mulk, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner kullu shay'in halikun illa kullu shay. Tout va périr sauf tout. L'an al-Mulk c'est tout. C'est le royaume d'Allah Azza wa Jalla. Allah il possède tout. Donc tout va périr sauf tout. Andur al-Ba'dil. Et la shak anna tout va périr. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala. Il va faire mourir tout le monde. Hatta malak al-maut mukha. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter l'ibad. Tout périra sauf ce que Allah subhanahu wa ta'ala il décidera que ça périra pas. Mathalan al-jannah. Allah il décidera que le jannah elle restera. Lian al-jannah, le paradis, il est créé l'un et il restera éternellement. Lian Allah azza wa jalla il l'a voulu. Amma expliquer al-wajh par le mulk, vous avez vu la gravité. Et d'autres choses qu'on détaillera, inshallah, dans d'autres durus. Ala kulli hal, ce point, il est très très important. On fait attention à ne pas trop poser de questions fi hadha al-bab. Ne pas essayer de rentrer dans des détails que personne t'a précédé. Allah il a un wajh, dis Allah il a un wajh. Et tu'min bi hadha, et tu fais des efforts pour que Allah soit satisfait de toi. Tu fais des efforts pour que tu meurs à l'iman et tu verras Allah Azza wa Jal. Tu verras Allah Azza wa Jal fil jannah si tu meurs à l'iman et tu rentres au paradis. Il y en a les croyants, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras la récompense. Amma al-falsafa, la philosophie fi hadha al-bab, kathratul kalam, les questions et i'tiradat, mais pourquoi, mais à mon avis, ça conduit à l'égarement, iyadam billah. Et ta'ammal, al-salaf, a'immat al-sunnah, Abd al-Ghani, al-Maqdisi, rahimallah, c'est un imam kabir fi l'islam. Il a cité deux preuves du Coran. Thumma, il a cité deux hadiths du prophète, alayhi salam. Thumma, il a conclu avec une phrase. Tu crois? Pourquoi? Parce que t'as un délai du Coran et de la sunnah. Enfin, t'es obligé de croire. Soumets-toi, écarte-toi des pourquoi, comment, mais ça ressemble à l'akhirah. Et tu seras à la khair. Un dars, on l'a fait en une dizaine de minutes, un quart d'heure, et ça suffit largement. Lakin, dans d'autres durus, on détaillera, inshallah, pourquoi? Pour répondre aux égarés. Khasatan al-Asha'ira, qui ont dit que lakin, ça veut dire telle chose et telle chose. Wa illa wa aqidat al-salaf, elle est très très simple. Thumma qala rahimahullah, wa tawatarat al-akhbar, wa sahhat al-athar, بأن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. Après avoir cité l'attribut du visage, الوجه, فهنا صفة النزول. L'attribut du نزول. النزول c'est descendre. فتواترت الأخبار. On a plusieurs hadiths. وصحة الآثار. Vous avez remarqué qu'il n'a pas cité le Coran هنا. لماذا؟ لأن صفة النزول elle est citée fi sunnat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tastafid min hadha une faida azima, anna pour accepter un attribut, il ne faut pas forcément qu'il soit cité dans le Coran et dans la sunna. Un des deux, ça suffit. S'il est cité que dans le Coran, tu es obligé de croire. S'il est cité que dans la sunna, tu es obligé de croire. Limadha li anna al-Quran c'est min wahyi Allah, ça fait partie de la révélation d'Allah azza wa jalla et كذلك as-sunna. Wa ma yantiqu 'anil hawa إن هو إلا وحي يوحى. النبي صلى الله عليه وسلم quand il parlait c'était la révélation. C'est Allah سبحانه وتعالى qui lui révélait telle chose et telle chose. Et سيأتي معنا الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم nous a informé que Allah il descend. قال وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيجب الإيمان به والتسليم له. Comme on a vu في صفة الوجه. Et chaque sifa, c'est comme ça. Si tu as une preuve, tu es obligé de croire. Et t'es slim. Tu mets ton avis personnel de côté, tu mets ta raison, si elle contredit le texte, de côté. Et la raison, l'aql salim, la raison qui est fondée, qui est basée sur le fitra et sur le Coran et le Sunna, elle ne contredira pas les textes. Les gens qui ont le plus la raison et qui avaient la raison la plus bénéfique, c'était les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Qala wa tarku al-i'tirad alayhi wa imraruhu min ghayri takyif ولا تمثيل ولا تأويل ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول وهذا تقدم معنا. C'est les règles qu'on a citées dans le premier cours. قال وترك الاعتراض عليه. الاعتراض c'est مثلا mais pourquoi Allah il descend, mais pourquoi on a dit que Allah il est au-dessus, ça c'est un اعتراض et ça c'est grave. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a informé qu'il est au-dessus de son trône, au-dessus de ses créatures. Il t'a informé qu'il descend, il n'y a aucune contradiction. Si tu ne te soumets pas, et tu ne fais pas passer ta raison avant les textes, pour toi ça se contredira, et ça sera le début de l'égarement, iyadam billah. Est-ce que Allah, il est capable de tout? On est tous d'accord, na'am. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. La yu'jizuhu shay', il est capable de tout. Enfin, il nous a informé annahu il est au-dessus et il descend au chaque tiers de chaque nuit. Fait la haqiqa, ça peut poser un problème pour une créature qui est faible comme nous, n'aim. Matalan, tu me dis, je suis au-dessus de la maison et je descends. Enfin, si tu penses avec ta raison de créature, n'aim, si tu es au-dessus et tu descends, c'est que tu es plus au-dessus. Fi haqqillahi azza wa jalla, c'est pas comme ça, ya ikhwa. C'est pour ça que les ulama ils insistent. Ta'ammalu, qala, al-imanu bih, tu dois croire. Wa taslim, tu dois te soumettre. Wa tarku al-i'tirad, fais attention à ne pas penser que ça se contredit. Wa imraruhu min ghayri takyif. Pourquoi il a cité takyif après tout ça? Les anna ceux qui se soumettent pas, iyadam billah, qui rejettent la sifa, ou qui pensent que ça se contredit, les annahum, ils ont fait du takif avec leur raison. Un takif, c'est quoi? C'est le comment. Vu qu'ils ont entendu que Allah, il descend. Et ils ont appris avec d'autres preuves que Allah, il est au-dessus. Automatiquement, ils se sont posé la question, mais comment? Kaif. Et ils se sont égarés. Donc, on fait attention au takif. Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est le créateur. Des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, nahnu. Dans certaines choses, on n'arrive pas à comprendre en tant qu'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout. Il t'a informé qu'il est au-dessus, qu'il descend. Écarte-toi du takif. Mais si tu compares avec l'être humain, les nabadannas, la haqiqa, ils délaissent les textes. Quand ils étudient les noms et les attributs, ils délaissent les textes. Même s'ils lisent les textes, la haqiqa, ils ne leur donnent pas assez d'importance, vu qu'ils ne suivent pas la voie des salafs. Et ils comparent avec la créature. C'est ça le tamthil. Et en général, celui qui fait du tamthil, c'est qu'il a fait du takif. Enfin, vu que pour lui, le fait de descendre, ça contredit al-ulou, enfin, il n'arrive plus à comprendre. Iyakum. Had al-maslak, c'est un maslak khatir, et c'est ce qui a égaré al-jahmiya, wal-mu'tazila, wal-ashira, wal-kullabiya, wal-maturidiya, wal-jami' al-mu'tila. Ils se sont égarés à cause de had. Aqidatu salaf, fal-haqiqa. Il a résumé l'imam al-Maqdisi en une phrase. Al-Iman bis-sifa. Al-Taslim. Tarku al-i'tirad wa imraruh. Imraruh, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le texte, مثلاً في الحديث, yanzilu rabbuna, Allah y descend, ne déforme pas. N'interprète pas avec ta raison. Ne pense pas qu'il y a une contradiction. Laisse le texte comme il est. فلهذا كثير من السلف في الصفات إمرارها أي إمرار الصفات كما جاءت في القرآن والسنة. Tu laisses le texte comme il est et تؤمن. قال وإمراره من غير تكييف ولا تمثيل. هذا on l'a expliqué auparavant et on vient de reciter quelques points. ولا تأويل. On fait attention au تأويل et في الحقيقة c'est du تحريف. لماذا سيأتي معنا أن البعض qu'est-ce qu'ils ont dit, vu qu'ils ont du mal à comprendre, ils ont réfléchi avec leur raison et pour eux ça se contredisait, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit non, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé qu'Allah y descend. Lakin fil haqiqa, c'est un ange d'Allah qui descend. Ou c'est l'ordre d'Allah qui descend. Ils se sont égarés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé c'est Allah qui descend. S'il aurait voulu nous informer que c'est un ange ou l'ordre d'Allah, il aurait dit un ange ou l'ordre. Il a dit c'est Allah, c'est Allah. On fait attention au tahrif, au ta'wil. Cette phrase, elle est importante. La dernière partie de cette phrase, et on l'a vu. Vous vous rappelez de la qa'ida qu'on a citée des salaf, ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Donc on dit qu'Allah y descend sans faire de tamthil. On applique la règle. Allah y descend, lakin c'est pas comme quand un de nous y descend. Là, l'Allah c'est le créateur. Et il nous a informé que Azza wa Jalla laysa kamithlihi shay. Intahayna. Wa la tanzihan fi haqiqat an-nuzul. Et on fait attention du tanzih. Matalan dire que Allah y descend pas comme les créatures. Ça c'est du tanzih. Lakin on fait attention à ce tanzih si il nous pousse à rejeter la sifa. Tanzihun bila ta'til. Et on a dit wa la tanzihun yanfi haqiqat an-nuzul. Matalan, pourquoi al-Ash'ari ils ont déformé, ils ont dit Allah y descend, lakin ça veut dire c'est un ange qui descend. Pourquoi? Les annahum, si pour eux, si tu dis qu'Allah y descend, tu le fais ressembler à la créature. Pourquoi? Parce que nous on descend. Et pour eux c'est pas possible. Comment Allah y descend? Ça implique des mouvements, ça implique que le trône il va rester au-dessus de lui, ça implique des choses. Ils ont dit là, en fait c'est un ange. Hada tanzih qu'ils ont fait pour s'écarter de ne pas faire ressembler Allah à la créature, ils ont exagéré via ils ont délaissé la sifa. À la fin ils ont conclu en fait c'est pas Allah qui descend. Nous non, on dit Allah il descend. Azza wa Jal, limada li anna son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la créature qui connaît le mieux Allah Azza wa Jal, il nous a informé et bien sûr sans ressembler aux créatures. Donc on fait du tanzir et Allah ressemble pas aux créatures, lakin sans rejeter l'attribut. Ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Rappelez-vous de cette qaïda. Allah, c'est une qaïda très très importante fi bab al-sifat, et on pourra et on l'a déjà cité pour chaque sifa. Thumma qala farawa Abu Hurayra radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yanzilu rabbuna كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له حتى يطلع الفجر. الحديث اللي واضح هذا الحديث كما جاء في الحاشية في صحيح البخاري صحيح مسلم bien sûr avec certains mots qui changent مثلا حتى يطلع الفجر elle est pas عند البخاري ومسلم قال وعنده يضي بدل يطلع على كل حال المعنى سلام الحديث إليه dans صحيح البخاري صحيح مسلم donc le hadith il est clair ينزل ربنا عز وجل كل ليلة الله سبحانه وتعالى il descend chaque nuit à la fin de la nuit le dernier tiers de la nuit قال وفي لفظ ينزل الله dans un autre hadith ينزل ربنا et dans l'autre ينزل الله et Allah c'est le Rabb. ولا يصح حمله على نزول القدرة ولا الرحمة ولا نزول الملك. Ça montre أن الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله il était à la عقيدة السلف. هنا سنرد على المحرف الأشاعرة أنه n'a pas le droit de déformer, d'interpréter soi-disant cette صفة. On n'a pas le droit. Les salaf ils l'ont jamais fait. Est-ce que الصحابة رضي الله عنهم ils ont entendu ce hadith لا شك أبو هريرة رضي الله عنه il l'a rapporté et d'autres compagnons comme سيأتي معنا est-ce que un d'eux قال ينزل ربنا أي ça veut dire un ange ou un ordre ou la miséricorde tu trouveras jamais un texte في هذا. Pourtant, les savants de l'islam, ils ont rassemblé la parole des compagnons, que ce soit les paroles des compagnons, que ce soit dans l'aqidah ou autre. On n'a pas ça. Fait on va suivre un groupe qui est venu des années après. On a détaillé ensemble, sur la secte des Asha'ira dans notre série sur les sectes en islam. C'est une secte qui est sortie bien après les compagnons radiyallahu anhum, après la période des salafs. Pourquoi les compagnons ils n'ont jamais fait cette interprétation? Pourquoi les grands imams, comme l'imam Malik, ou l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Ahmed, ou l'imam Shafi'i, et d'autres, pourquoi ils n'ont jamais fait cette interprétation? L'imada, ça nous montre qu'ils se sont égarés. Et ceux qui ont interprété bihada. Et on peut répondre bihtisar, avant de lire, de finir le chapitre, il a cité d'autres hadiths, on peut Huna mentionner certaines répliques des rudud ala haoula. Quand ils disent ar-rahma ou le malak ou le qudra, écoutez bien le hadith. Qala azza wa jal, on relit le hadith. Yanzilu rabbuna azza wa jal kulla layla ila akhiri thumma yaqul, ay Allah yaqul man yad'uni fa astajibu la wa man yas'aluni fa u'tiya, qui c'est qui me demande fa je lui donne, qui c'est qui m'invoque, enfin je lui réponds. Si tu remplaces, comme ils disent, oh, en fait c'est pas Allah qui descend, c'est un ange. Donc ça va donner yanzilu malak min al malaika chaque dernier tiers de la nuit, wa yaqul, ce malak il dit man yad'uni fa astajibu lah, qui c'est qui m'invoque, je lui réponds. وَمَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَ, qui c'est qui me demande, enfin je lui donne. عَيَّدًا بِاللَّهِ, est-ce qu'un ange il va dire هذا? كَذَلِكَ, est-ce que الرحمة, la miséricorde elle va dire هذا? كَذَلِكَ القدرة, elle va dire هذا? Là ça c'est min kalam illahi azza wa jal. Si on accepte que c'est Allah qui dit هذا, on doit accepter le début du hadith que c'est Allah qui descend. Et on doit délaisser les patients. كَذَلِكَ تَأَمَّلْ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. Tu as deux choses importantes هنا. أن cette descente c'est jusqu'au premier ciel, سماء الدنيا, et que ذلك c'est le dernier tiers de la nuit. Est-ce que les anges أو الرحمة أو القدرة ils descendent فقط jusqu'au premier ciel? بل الرحمة descend ولله الحمد partout. Et elle descend pas que le dernier tiers de la nuit. Tout ce que tu vois min khayl al-an c'est min rahmatillahi azza wa jal. Allah il guide un tel, Allah il guérit fulan ila akhirih. Fa kayf la rahma, elle va s'arrêter au premier ciel et elle descend que le dernier tiers de la nuit, le reste de la journée il y a pas de rahma. A'yadan billah. Wa hakad al-qudra. La qudra d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle descend au premier ciel et le dernier tiers de la nuit, ça veut dire le reste de la journée, il a plus de qudra, subhanahu na'oudou billahi min al-inhiraf. Ça vous montre un celui qui s'écarte des textes et qui s'écarte de la voie des salafs, il se contredira la bout. Hum, c'était quoi leur intention au départ? De s'écarter du tamthil. Pourquoi ils n'ont pas dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui descend? Il y en a pour eux, c'est du tamthil. Ils sont arrivés à dire que c'est un ange, donc l'ange il va dire qui c'est qui me demande, je lui donne. C'est du shirk billahi azza wa jalla. Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk. Fakif, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il va nous citer hada pour nous montrer que c'est un ange qui nous dit de l'invoquer. Iyadam billah. Fahdharu, ce groupe. Ce groupe, c'est le plus propagé. Et c'est le groupe qui a fait le plus de dégâts fi hada al-bab à notre époque, fossifat. Fahdharu, wahadhiru minhum. Al-Asha'ira, c'est des dhullal. C'est des égarés. Wallah al-musta'an. Et on détaillera, inshallah, akthar, fi al-rudud ala haoula dans d'autres durous. قال ولما روى مسلم بإسناده عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يستغفرني فأغفر له حتى يضيء الفجر. الحديث il est fait sahih muslim. Al-shahid yanzilullah azza wa jal ila as-sama' ad-dunya. Qala wa rawa rafa'a aw rifa'a an 'araba al-juhani رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يدعوني أستجيب له من ذا الذي يسألني أعطيه حتى يتفجر الصبح رواه الإمام أحمد إسناد حديث صحيح ثم قال وهذان الحديثان يقطعان تأويل كل متأول ويدحضان حجة كل مبطل لماذا؟ كما تقدم est-ce qu'un ange il va dire qui c'est qui me demande je lui réponds أو la rahma أو la قدرة لا et le hadith il est clair قال الله عز وجل فيقول أنا الملك c'est moi le malik est-ce qu'un ange il va dire أنا الملك أو la rahma il va dire أنا الملك عيادا بالله ça montre l'égarement de هؤلاء كذلك لا أسأل عن عبادي est-ce qu'un ange il va dire عن عبادي un ange il a des عباد c'est lui qui a créé les êtres humains عيادا بالله أما le premier دليل فالحقيقة tu as que يقول فهم ils vont dire يقول أي l'ange لا les deux autres hadiths dans صحيح مسلم et كذلك dans المسند وغير المسند ils montrent que c'est قول الله سبحانه وتعالى Et la question elle est واضحه. Les ulama, ils ont répondu à haoula, لانهم ils ont cité des choubah ila akhiri, amma inda as-salaf c'était clair. Allah il descend, Allah il descend. Et كذلك et on a cité hada fi ad-dars as-sabiq anna faut pas oublier d'appliquer ce hadith. Faut pas oublier d'appliquer ce hadith, et c'est ça la thamara, le fruit de cette étude. Allah subhanahu wa ta'ala il descend à chaque tiers de Il descend à la fin de Naam, le dernier tiers de chaque nuit. On doit essayer de faire partie de Ha'oula, de ceux qui demandent à Allah subhanahu wa ta'ala. À ce moment, Allah subhanahu wa ta'ala il a promis il répondra. Pourquoi, comment c'est un ange qui descend, mais comme ils font al-mubtilin, al-za'irin, thumma tu les trouves, rubbama. À force de trop parler, ils ont plus de force et ils dorment à ce moment. Là, on a tous des faiblesses, là, on essaye, on fait des efforts. C'est un waqt mubarak. C'est un moment azim, le dernier tiers de chaque nuit. Et avant le fajr. On qaddar, maintenant, si le fajr il est à 5h du matin, avant, c'est un waqt mubarak, le dernier tiers. Même si tu peux 10 minutes à 5h moins 10, même si tu peux un quart d'heure. Même si tu peux 20 minutes, même si tu peux 2 minutes, فتدعو الله سبحانه وتعالى ربما ce dua que tu vas faire, يستجيب الله لك. Et si tu es sincère, Allah سبحانه وتعالى, il a promis de te répondre, et ولله الحمد, tu seras gagnant. Et كذلك, تأمل أنت حال هؤلاء, comme الجهمية والمعتزلة, لا يؤمنون بالنزول. C'est quoi qui va les motiver à faire un dua? لا يؤمنون بالنزول, أن الله, il descend pas. فنعوذ بالله كذلك بعضهم لا يؤمن أن الله سبحانه وتعالى الجهمية أن الله il nous voit pas il nous entend pas فعجيب comment هؤلاء ils peuvent vivre et comment ils peuvent avancer dans leur dit الله il les voit pas il entend pas il a aucune صفة عيادا بالله قال وروى حديث النزول علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وعمر ابن عبسة وأبو الدرداء وعثمان ابن أبي العاص ومعاذ بن جبل وأم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم أي إلى cité beaucoup de compagnons qui ont rapporté ce hadith pour te montrer أن في الحقيقة il n'y a pas d'excuse Tous ses compagnons, radiyallahu anhum, ils ont entendu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dire que Allah il descend. On n'a pas le droit, nous, de dire là, il descend pas. Ou de dire là, c'est un ange qui descend, yadam billah. Et fil hashiya, al-muhaqqiq, il a démontré que la plupart de ces hadiths, ils sont authentiques. Et certains, ils sont faibles. Maintenant, le hadith Jabir, il est daïf. Lakin, même si le hadith il est daïf, tu as beaucoup d'autres hadiths, wallahi alhamd, qui sont authentiques. Ala kulli hal, celui qui veut l'authenticité de ces hadiths, في الحاشية المحقق إلى السيتي هذا قال ونحن مؤمنون بذلك مصدقون من غير أن نصف له كيفية أو نشبه بنزول المخلوقين كما تقدم فنؤمن أن الله سبحانه وتعالى descend au premier ciel le dernier tiers de chaque nuit et ولله الحمد sans faire ressembler Allah à la créature ou sans s'imaginer un comment. لأنه le connaît pas. قال وقد قال بعض العلماء سئل أبو حنيفة عنه رحمه الله يعني النزول فقال ينزل بلا كيف. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحبه أي صاحب الإمام أبو حنيفة الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط أي ينزل et tu as un hadith في هذا المحقق il l'a cité dans la hachia qu'on n'a pas lu et dans les notes de bas de page le hadith il l'a cité dans une page dans mon livre en page 31 et quand il a cité Anna plusieurs compagnons ils ont rapporté wa rawal hadith an rawal hadith nuzul ali ibn abi talib wa abdullah ibn mas'ud ila akhira radiyallahu anhum dans le hachia il a cité hadith ali le premier qala wa min tariq ibn ishaq bih wa dhakara lafza qala rasul allah sallallahu alayhi wa sallam lawla an ashq ala ummati la akhartu al isha al akhira ila thuluth al layl fa innahu idha madha thuluth al layl al awwal هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا وقوله هبط وهبط سبمعنى نزل الهبوط النزول حتى باللغة الدارجة إلا ديسمو على كل حال هذا اللفظ إلى ثابت فحديث علي حسن كما قال المحقق السلام من معنى هبط الله أو نزل الله أو يهبط وينزل c'est la même chose. C'est pour ça que l'imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah il a employé les deux mots يهبط وينزل. On répète la parole de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani rahimahullah صاحب أبي حنيفة الحديث أو الأحاديث التي جاءت أن الله يهبط إلى السماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث قد روتها الثقات فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها لا نفسرها أي بمعنى باطل لا نفسرها أي on l'explique pas ça veut pas dire qu'elle a pas un sens لا النزول c'est معروف le sens du نزول en langue arabe la descente en langue française il est معروف عند العرب ça veut dire quoi النزول لكن لا نفسرها ça veut dire avec un معنى باطل avec une explication fausse, en faisant comparer à la créature, il a arrêté, Allah il descend, et Allah a'lam comment. Lakin, c'est une vraie descente. Lakin, comment? Allah a'lam. Et ça, c'est important, ce point. Anna al-ma'na, comme taqaddam ma'na, on connaît le sens de ces verbes. Pourquoi? Lianna Allah Azza wa Jalla, il a révélé ce Qur'an avec la langue arabe. Enfin, on sait c'est quoi, des mains, un visage, il a arrêté. Lakin, fi haqqillahi Azza wa Jalla, le comment? Allah a'lam. فمثلا الله إلى visage نعم إلى visage لماذا لأنه on a détecté comment il est ce visage الله أعلم فان fait attention aux تفسيرات باطلة فلهذا tu trouves أحيانا بعض العلماء الأئمة ils disent ولا نفسرها أو ولا معنى أي qui contredit الحق قال وروينا عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول فقال إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال هذه القصة ماذا قال المحقق نعم ذكره اللالكائي شرح أصول اعتقاد السنة بدون إسناد مهم الله أعلم بصحة هذه القصة لكن فيها فوائد أولا on résume أن le fils de l'imam Ahmed Abdullah alayhim rahmatullah قال كنت انا وابي il était avec son père et ils sont passés devant un masjid fa ils ont entendu qassan ay min al-qassas qui rapporte des qassas ay des histoires et ta'lamun anna as-salaf mettent en garde contre haoula al-qassas ay pour attirer la foule ils racontent beaucoup d'histoires et ils délaissent le Coran et le Sunna. Et tu as un exemple هنا ان هذا القاص يرapporte un hadith de nuzul لكن هؤلاء avec leur éloquence ils rajoutent beaucoup enfin il a voulu démontrer que c'est pas comme un nuzul des makhlouq لكن قال اذا كان ليله النصف من شعبان وهذا الحقيقة يا با دو دليل كي بروف ان une spécificité pour la moitié de Sha'ban comme taqaddam ma'ana. Allah descend comme جاء في الحديث في الصحيحين chaque nuit le dernier tiers. À m'a précisé la moitié de Sha'ban et le 15 de Sha'ban pour démontrer que la nuit de Sha'ban et cette nuit elle a des fadha, elle a des mérites, elle a akhri, il y a aucun délil à l'hada. على كل حال ce qui nous intéresse هنا انه ماذا قال قال ينزل الله عز وجل الى السماء الدنيا اي كما النبي صلى الله عليه وسلم الى دي ثم قال بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال انظروا avec des rimes avec de l'éloquence اي pour démontrer ان c'est pas comme la kayfiyya des makhluq لكن هذا عند السلف c'était pas accepté ولا انتقال ولا تغير حال اي sans mouvement sans changer de position الى اخره من سبقه في هذا on n'a pas le droit هذا باب الصفات faut bien vous rappeler يا إخوان c'est un باب توقيفي tu dis Allah il descend et arrête-toi mais si tu veux rajouter des choses de toi ça ouvre un باب de الشر فلهذا قال عبد الله بن أحمد رحمه الله فارتعد أبي رحمه الله واصفر لونه exactement comme l'imam Malik رحمه الله l'histoire qu'on avait cité quand il lui a demandé cet homme عن الاستواء كيف استوى جاء في رواية أن الإمام مالك رحمه الله ils l'ont vu il est devenu rouge et sué beaucoup لماذا لأن هؤلاء c'est des imams de la sunna ils n'ont pas l'habitude d'entendre مثل هذا c'est grave pour eux لماذا لأن c'est un kalam في الله tu parles d'Allah عز وجل فلهذا quand l'imam Ahmed il a entendu هذا ارتعد واصفر لونه il a tremblé et il est devenu pâle ولزم يدي وأمسكته حتى سكن ثم قال قف بنا على المتخوض الإمام أحمد quand il s'est calmé il a dit à son fils emmène-moi voir هذا المتخوض ça vient de الخوض qui parle beaucoup فلما هذا أي quand il s'est approché de lui قال يا هذا الإمام أحمد il lui a dit يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك ça c'est une faïda عظيمة Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aghyar. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était plus jaloux que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ce dîn plus que toi. Enfin, pas besoin de rajouter des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas ajouté. Et pour mieux comprendre, Had al-Qas, qui raconte des histoires. L'imam, il a ajouté ces choses sans mouvement, sans se déplacer, Had al-Kalam, pour montrer que Allah ne ressemble pas au créatures. Enfin, la niya, c'était pour ne pas faire ressembler à Allah la créature. Lakin, un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit Allah, yanzilu rabbuna, il a plus de jalousie. Il a plus d'envie de préserver had din que nous. Et il n'a pas cité ces choses, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin de citer had. On dit, il descend comment Allahu alam. Mais si on commence à dire sans, est-ce qu'il bouge, amla, est-ce qu'il s'est déplacé, amla, est-ce que le trône, il est resté au-dessus, amla, on va commencer à ouvrir des portes d'égarement yadam billah on s'arrête Allah il descend et yakfi قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغير على ربه منك قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم il lui a dit comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit et ça c'est un manhaj azim خاصة في باب الصفات tu dis comme le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit comme Allah عز وجل l'a dit في القرآن Allah il a un وجه tu dis Allah il a un وجه الحمد لله قال قال حنبل قلت لأبي عبد الله أي الإمام أحمد يعني أحمد بن حنبل ينزل الله إلى سماء الدنيا قلت نزوله بعلمه أو بماذا حنبل رحمه الله tu fais partie de la famille de l'imam Ahmed il a demandé à l'imam Ahmed est-ce que Allah il descend بعلمه أي descend avec sa science أو ماذا أو comment فقال لي أي الإمام أحمد lui a répondu اسكت عن هذا أي tais-toi tu n'as pas besoin de poser cette question قال ما لك وهذا أي qu'est-ce que tu vas gagner avec cette question قال أمضي الحديث على ما روي بلا كيف أي rapporte le hadith comme il a été rapporté sans rentrer dans est-ce que c'est telle chose comment il a أخر قال على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت به الآثار وبما جاء به الكتاب un manhaj azim ay tu rapportes le hadith ou le verset de cet attribut comme il a été rapporté n'ajoute pas des choses que ceux avant toi ils n'ont pas dit comme As-Sahaba ila akhiri, lianna c'est un bœuf d'égarement. Wa qala al-imam Ishaq ibn Rahawi qala lil amir Abdullah ibn Tahir ya Abu Ya'qub. Abu Ya'qub c'est Ishaq ibn Rahawi, un grand imam de la Sunna, qarin l'imam Ahmed. Il était à la même époque que l'imam Ahmed et il était souvent cité avec l'imam Ahmed rahimahullah. هذا الحديث الذي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف ينزل تأملوا هنا c'est une faïda عظيمة أن celui qui a posé la question à Ishaq ibn Rahawi c'est l'amir, c'est le gouverneur. Et vous allez voir la réponse de l'imam Ishaq. Tu ne réponds pas à un gouverneur comme tu réponds à un autre. Tu ne réponds pas à tes parents comme tu réponds à un autre. Tu ne réponds pas à une personne âgée comme tu réponds à un autre. Il y a un comportement à avoir. فتأملوا قال كيف ينزل انظروا السؤال بالكيفية c'est grave لكن الإمام إسحاق قال قلت أعز الله الأمير il lui a fait دعاء أعز الله الأمير et pour lui montrer que ce qu'il vient de demander c'est grave أعز الله الأمير لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف إنما ينزل بلا كيف أعز الله الأمير ça ça montre une forme de respect et pour lui montrer que c'est haq lakin il s'est pas tu enfin tu peux montrer le haq lakin avec adab qala a'azza Allah al-amir la yuqal li amri ar-rabb kayf azza wa jalla pourquoi là on sait pas on a pas de réponse est-ce que l'imam Ishaq rahimahullah il avait la réponse adatan lakin il a démontré à ce amir anna cette question elle se pose pas inma yanzilu bila kayf taqaddam ma'ana ay bila kayf ma'lum lana et Allah il descend sans comment et qu'on ignore nahnu amma la shak yan kayfiyya lakin nahnu on l'ignore qala rahimahullah al imam abd al ghani al maqdisi wa man qala yakhlu al arsh 'inda al nuzul aw la yakhlu faqad ata bi qawl mubtada' wa ra'y mukhtara' mais celui qui dit Allah il descend est-ce que l'arche il reste au-dessus amla il a akhiri enfin, tout ça on doit éviter wa a'immat as-sunnah ils ont un tafsil cette mas'ala elle a été détaillée et on détaillera pas ici le but c'est résumer lakin ala kulli hal s'écarter de hada Allah il descend et il est au-dessus de son trône et ça se contredit en rien fal hadar هذا الباب de trop se poser de questions الحذر هذا الباب de réfléchir et de délaisser la voie des salafs الحذر d'ignorer le comportement et la voie des salafs dans ce point لأن pourquoi on vit à une époque خاصةً à cause de l'éducation des ennemis de l'islam l'éducation des ignorants كذلك l'éloignement du Coran et de la Sunna وبعض الناس pour eux chaque question est permise. Fibab al-Sifat ou Viriri, ils ont beaucoup de questions. Al-Hadr, celui qui ignore la voix des salafs, il posera beaucoup de questions. Khasatan dans les noms et les attributs. Celui qui connaît la voix des salafs, il ne perdra pas son temps. Bal, il fera des efforts pour se lever avant le Fajr et demander à Allah Azza wa Jal Rida, wa Rahmata, wa Al-Jannah, wa Al-Tawfiq, wa Al-Ilm, il a akhir. Mathalan, pour citer un exemple et on conclut bihada, بعض الناس ils ont un i'tirad, ils disent مثلا il fait nuit ici dans notre pays au Maroc. Thomas dans quelques heures il fera nuit dans tel pays. Thomas dans quelques heures nuit dans un autre pays. Et ils se posent des questions et qui c'est Akhil Karim qui t'a dit de te poser ces questions? Tu perds ton temps Akhil Karim. Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui a créé la nuit et le jour. Et il a informé un Nawi descend à chaque tiers de les derniers tiers de chaque nuit, fallait mal, tu te fais du mal avec ce genre de questions. Arrive, fais des efforts pour te réveiller à cette période et demander à Allah Azza wa Jal at-tawfiq wa sadat. Et délaisse hada. Tu ne seras jamais questionné sur cela le jour du jugement. Allah t'interrogera sur tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera est-ce que tu l'as adoré amla. Enfin, fais des efforts et délaisse hada. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq wa sadat. Et Walillahi alhamd, on a fini la lecture de ce chapitre sur An-Nuzul. On a fini avec ça et on passe à notre deuxième dars.